Alors, quel amour de Jésus sur le calvaire, dans nos chants, dans nos prédications, on célèbre la mort de Jésus, on met en avant le sang qu'il a versé, et parfois on a du mal à ressentir ce que ça veut dire. J'aimerais vous rappeler que pour parler de la résurrection, il faut parler de la mort de Jésus, on n'a pas le choix. Ça commence par là, c'est le chemin obligatoire. Dans le peuple d'Israël, très tôt, la notion de l'importance du sang avait été présentée au peuple d'Israël. Très très tôt. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi un passage en introduction à notre épître de Pierre, tourné dans Exode. Pour ceux qui peuvent lire petit, on va l'avoir à l'écran aussi, en tout petit. Très tôt, cette notion de rançon, de substitut pour le péché est présentée au peuple d'Israël. Les premières pages de la Genèse le présentent. Et si on a envie de comprendre quelle est la place du sang et pourquoi le sang et pourquoi cette idée de remplacement, de rançon, il faut commencer très tôt, très, très, très à l'origine de toutes les origines. Dans Exode 12, le peuple d'Israël n'existe pas encore vraiment comme nation. Il est là, il est en Égypte, il n'a pas encore reçu les termes de l'alliance que Dieu voudrait installer avec lui. Il est là à la veille de ce jour de délivrance. Et Dieu dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire. Pendant ce mois, vous allez faire une chose spéciale le dixième jour. Vous allez tuer un agneau. Un agneau pour chaque maison. Et il dit, si ta maison est trop petite, éventuellement, prends la maison d'à côté. Mais un agneau sera sans défaut. Verset 5, donc 12, 5. Âgé d'un an, un agneau ou un chevreau. On prendra de son sang, verset 7. Et on le mettra sur les linteaux, sur les poteaux de la porte. Bizarre, prendre du sang et puis badigeonner avec du sang. Hein. Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains. Tiens, ça vous rappelle quelque chose peut-être ça. Hein. Tout à l'heure, on a lu. Hein. Ayez les reins sains, on est là. C'est-à-dire, soyez prêts à partir, soyez sur le qui-vive. Hein. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La première Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, dit Dieu, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Je suis l'Éternel. Mais le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, dit Dieu, et je passerai par-dessus. Très jeunes, les enfants d'Israël avait compris qu'il y avait cette notion de rançon à la place d'eux. Le petit Aaron, le petit Dan, le petit Asser avaient vu son père, quick, égorger le mouton. Son papa lui a dit, c'est pour toi. C'est toi ou c'est lui. Et je mets du sang ici parce que je crois ce que Dieu a dit via Moïse. Il a dit que si je mets du sang sur le linteau de la porte, toi tu vas pas mourir. C'est fou combien le message de l'Évangile est déjà très très présent ici. C'est Jésus, très clairement présenté. C'est une question de choix. J'ai choisi de croire ou de ne pas croire. Moïse a dit ça. Quelle bêtise, du sang sur les linteaux de la porte. Tu crois pas que, paf, le petit est mort. J'ai cru, j'ai pas cru. On est ici à 1500 années avant Jésus-Christ. Et tout cela ressemble si fortement au message de l'Évangile. 1500 années plus tard, dans le temple, la grande fête de l'année, c'était quoi? Et encore aujourd'hui, pour les Juifs, c'est quoi la grande fête de l'année? La grande fête religieuse? Yom Kippour, le jour de l'atonement, le jour du pardon, le grand pardon. C'est le jour qu'il faut surtout pas rater dans le temple. Une fois par an, quelqu'un allait pénétrer ici. une fois par an. Et ce lieu est appelé quoi? Le Saint des Saints. Personne n'y entrait le reste de l'année. Dans Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour de l'atonement, le jour le grand prêtre rentrait. C'était vraiment un grand jour. Et tout le monde, tout le peuple célébrait pendant des jours et des jours, jusqu'à ce point culminant du grand sacrifice. Les gens venaient dans le temple et les animaux avaient énormément de place. Les sacrifices étaient présents partout. Les sacrifices, ça veut dire le sang coulait. Et lorsque le grand prêtre venait dans le temple, il n'osait pas rentrer dans le Saint des Saints sans le sang avec lui. Et pour ce faire, pour rentrer dans le Saint des Saints, il devait se soumettre à toute une série de rites. Il y avait 4 bains complets du souverain sacrificateur. Imaginez, 4 fois, il changeait complètement de tunique. Il y avait tout un rituel que Dieu avait installé. Tu ne rentres pas dans le Saint des Saints qui représentait l'endroit où Dieu était présent. Si vous vous souvenez, du temps de Jésus, il n'était plus là. Mais au début, dans le temps de Salomon, dans le Saint des Saints, c'est là qu'il y avait l'Arche de l'Alliance. Vous vous rappelez? C'est là que se situait le propitiatoire avec les 2 anges qui symbolisaient la présence de Dieu parmi les hommes. Le sang était présent dans toutes leurs cérémonies, et en particulier ce jour, le grand jour du Yom Kippour. Le sacrificateur s'approchait avec du sang. Il y avait du sang dans l'encens. Et puis, il prenait le sang pour aller gravir les marches de l'entrée du Saint des Saints. Si vous vous souvenez, le Saint des Saints avait une entrée barrée par 2 rideaux, un double rideau séparé de 60 cm. Et le sacrificateur traversait cet espace avec l'encens, les braises et le sang. Il y avait, pour l'information, un coin du rideau qui était soulevé d'un côté et l'autre coin, le côté comme ça, il n'avait pas à toucher le rideau. Il pouvait pénétrer jusqu'à l'endroit spécial. Et là, il rentrait avec le sang. C'était son passeport. Rentrer dans le Dieu très saint. Lévitique parle, pas seulement Lévitique, mais tout l'Ancien Testament parle de ce processus du sacrifice et du sang. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Toujours la même chose. Il l'offrira à l'entrée de sa tente, de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur, son pardon. Il posera la main sur la tête de l'animal qui sera agréé de l'Éternel et lui servira d'expiation. Ce terme expiation est utilisé à beaucoup de reprises. Il veut dire couvrir, purger, réconcilier, rendre propice, pardonner, écarter la colère, apaiser. Le terme kafar, c'est le terme de Yom Kippour, le jour des expiations. Les Juifs étaient habitués à l'idée qu'il y a un seul moyen de retrouver les faveurs de Dieu, de trouver la paix avec Dieu, le pardon de Dieu, c'est le sang de la bête qui lui permet d'être pardonné. Et puis un jour, Jésus est arrivé. Vous vous rappelez, celui qui a introduit Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, quoi? L'agneau de Dieu. Le sacrifice de Dieu. Pour les Juifs, ça voulait dire quelque chose. L'agneau de Dieu, ça veut dire qu'il va mourir. Voici la victime propitiatoire envoyée par Dieu pour moi. Le sacrifice par excellence était arrivé, Jésus-Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux l'avait parfaitement compris. Quand vous lisez Hébreux, vous retrouvez le raisonnement d'un juif qui a connu tout ce que je vous ai montré ici, qui a connu le temple, qui a connu le rituel des sacrifices, du sang versé, de la peur du souverain sacrificateur qui ne voulait surtout pas faire d'erreur et de rentrer présence de Dieu sans être préparé correctement. Il connaissait tout ça. Celui qui a écrit Hébreux nous dit la chose suivante. Hébreux 9, 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation de véritable. Donc il n'est pas rentré dans le Saint des Saints, dans le temple à Jérusalem, non. Il est rentré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous, il dit pour nous, devant la face de Dieu. Le prêtre s'avançait dans le Saint des Saints avec le sang pour le peuple qui était dehors, qui attendait. Il voulait le pardon, l'expiation pour le peuple avec le sang. Et là, celui qui a écrit Hébreux dit, Jésus, lui, n'est pas rentré là. Il était beaucoup plus loin. Il est allé en ciel pour nous. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur en chaque année. Non, il n'est pas venu avec du sang une fois, et une deuxième fois, et une troisième fois. Chaque année, le sacrificateur refaisait la même démarche pour obtenir le pardon du peuple. Verset 26, autrement il aurait fallu que Jésus souffre plusieurs fois depuis la création du monde, non, mais maintenant à la fin des siècles, on retrouve la même expression que dans 1 Pierre, à la fin des temps, à la fin des siècles, il a paru, Jésus a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, verset 28, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter expiation, pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Et il apparaîtra sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent, toujours cette perspective du retour de Jésus. Pierre avait vécu 3 ans aux côtés de l'agneau de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Au beau milieu de ce passage que l'on va étudier aujourd'hui, que l'on étudie, verset 18, donc 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été expiés, rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Et là, les Juifs disent, ah, oui, c'est juste. C'est pas l'agneau, c'est fini ça. C'est Jésus, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, et on revoit la même expression, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Ce texte est très fort. Et je trouve que on ne peut pas célébrer Pâques, comme on veut le faire, sans se rappeler d'abord et avant tout qu'avant la résurrection glorieuse de Jésus, il y a eu la mort, il y a eu le sang précieux versé pour nous racheter, pour que la rédemption, que l'expiation ait lieu. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Nous sommes élus, nous avons été élus. Lui était prédestiné. Posez pas trop de questions, je ne sais pas comment Dieu a imaginé tout cela. Mais c'est ce que Pierre avait bien compris des paroles que Jésus lui a données. Prédestiné avant la fondation du monde à mourir comme le sacrifice ultime pour nous, les hommes. Et manifesté à la fin des temps, à la fin des siècles, dans Hébreux, c'est marqué. Là, ça va arriver. Manifester à la fin des temps. Pour nous, pour vous. Au temps prévu par Dieu, Jésus est venu. Envoyé pour régler la question du péché. Une fois pour toutes. Les prophètes ont voulu comprendre ce qui allait se passer. Ils ont voulu comprendre en quoi consistait ce salut dont ils avaient partiellement connaissance. Vous vous rappelez dans les versets 10 et 12 de ce chapitre, ils ont, comme dit le texte, ils ont fait des recherches, des investigations pour comprendre le moment et la personne. Ils ont appris que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, pour vous. Le message de la bonne nouvelle a été annoncé. Et quel message ! Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je peux enfin trouver la paix avec Dieu, le pardon de mes péchés. J'ai été racheté. J'aimerais qu'on s'arrête ici quelques instants et je demanderai à Paul et à Benoît de s'approcher. On va prendre le pain, le jus de raisin, et on va se rappeler que si aujourd'hui je peux partager là, c'est parce que l'agneau de Dieu est mort pour me racheter. Je vais vous lire un texte que vous connaissez bien, mais qui reprend excellemment bien ces idées dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11, Paul parle de ce partage du pain et du vin en ces termes. 1 Corinthiens 11, verset 23. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, le sang de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Vous vous rappelez, on l'a dit avant, quand on partage ces choses, le pain et le jus, c'est toujours dans la perspective du retour de Jésus. C'est un événement en fait sérieux et en même temps très réjouissant. On trinque au retour du roi qui revient. Alors je vous propose de commencer par le pain, de le manger chacun votre tour, et ensuite quand on partagera donc le jus, vous gardez, on s'attend l'un l'autre et nous allons trinquer ensemble simultanément. D'accord ? Benoît, tu veux prier ? C'est vrai, c'est une grande joie pour nous. Alors on va en continuer notre passage, si vous voulez bien. En posant la question suivante, mais comment est-ce que je peux être sûr que je suis racheté ? Comment je peux être sûr que le sang précieux de Jésus, qu'on a célébré à l'instant ici, il est efficace ? Ça marche ! Comment je peux être sûr ? Vous savez ? Qu'est-ce que dit le texte ? Prenez le verset, la suite du verset 20 ici. Par lui, vous croyez en Dieu, par Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache. Par lui, vous croyez en Dieu, dit le verset 21. Vous croyez en Dieu qui quoi ? Qui l'a ressuscité des morts. Verset 21. Et qui lui a donné la gloire. Qui l'a ressuscité des morts. Si je suis sûr que je suis racheté, c'est parce que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Heureusement. Heureusement. Sinon, vous le savez, Paul l'a dit, sinon ma foi, elle est vaine. 1 Corinthiens 15, 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Elle est vide de sens. Elle est dépourvue de force. Elle est inutile. Elle est sans but. Mes péchés ne sont pas pardonnés. Mais parce qu'il est ressuscité, alors je crois en Dieu et cette foi a du sens. Pour Pierre, et vous le voyez dans son texte, la résurrection de Jésus a bouleversé sa vie. Il en parle, et il en parle, et il en parle. Et vous pouvez imaginer un instant, comme je l'ai dit en introduction, l'angoisse de cet apôtre dans la barque. Il est reparti à son travail d'origine, complètement découragé, complètement abattu. En plus, il l'a renié 3 fois, et maintenant il est mort, et c'est foutu. Et il voit Jésus. Et il saute du bateau, et il court, Jésus! Pour lui, c'était l'espérance enfin, la possibilité de recommencer une nouvelle vie. Pas étonnant que dans ses épîtres, il crie à chaque fois, parle la résurrection de Jésus-Christ. C'est la source de sa foi, c'est la source de son espérance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, verset 3, nous a régénérés pour une espérance vivante, dit Pierre. Comment ? Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Toujours par la résurrection. Alors, quelle est la conclusion de Pierre ? Regardez le verset 21. En sorte que, 2 choses, votre foi, il dit par lui, vous croyez en Dieu, votre foi et votre espérance, verset 3 dit, il nous a régénérés selon son grand amour pour une espérance. Votre foi et votre espérance reposent sur qui? Sur Dieu. Magnifique. Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité. Donc j'ai la foi et j'ai l'espérance qu'un jour je le verrai. Alors, dans le petit courrier que je vous ai envoyé cette semaine, je vous ai demandé de regarder, et peut-être qu'un certain l'ont regardé, dans ce premier chapitre de 1 Pierre, j'ai été marqué par toute une série de contrastes. Est-ce que vous les avez vus? Des contrastes, des oppositions, des choses qui sont présentées par Pierre en étant d'un côté, d'un autre. Est-ce que vous en avez vu 1, 2, 3, 4, 5? Dites-moi rapidement, on va voir si vous avez trouvé ce que j'ai trouvé. Contraste. Quelques-uns ont des idées? Élu et étranger. Oui, c'est un peu contrasté, oui. Haï par le monde, mais aimé par le monde. Oui, là, ça c'est clairement un contraste. Ah, ça c'est clair. Résurrection mort. Nathan? Alors, la contraste, là, il y a un contraste évident entre le sang et puis les choses matérielles comme l'or et l'argent, oui. Souffrance et gloire. Joie et épreuve, évidemment. Il y en a d'autres. C'est fantastique comment Pierre joue sur le blanc-noir, sur les différences. J'aimerais en prendre 4 ce matin pour finir et rapidement vous donner 4 contrastes qui m'ont vraiment interpellé. Contraste numéro 1. Il est assez évident, il est partout, c'est pour ça qu'on ne le voit pas tout de suite, mais homme-Dieu. Au cœur de la lettre de Pierre, il y a Dieu, pas l'homme. Il y a Dieu qui est au cœur de sa lettre. L'action de Dieu en faveur des hommes. Et non pas les actions de l'homme vers Dieu. Quelques exemples, rapidement dans ce texte. Vous vous rappelez, Jean-Jacques, tu l'as cité, premier verset. Hein, c'est le texte, la lettre commence par Pierre, apôtre de Jésus-Christ, et le 5e mot, c'est choisi. Dans toutes vos Bibles, c'est pas tout à fait comme ça, mais dans le Semeur, je crois que c'est comme ça. Mais dans le NEG, ils ont mis choisi plus loin. Mais dans le texte original, le 5e mot, c'est choisi. Qui a choisi? Qui a fait l'action? Dieu. J'ai rien eu à faire, rien. Choisi. Élu, C'est le même mot, élu, selon la préscience de Dieu le Père. Ce texte de Pierre, on pourrait dire, est théocentrique, ou christocentrique, centré sur Dieu, sur l'action de Dieu, sur la valeur de Dieu. Alors, quelques passages, rapidement. Élu, selon la préscience de Dieu. C'était 1, verset 2 ou 1. Verset 3. Dans son grand amour, Dieu vous a quoi ? Régénéré, né de nouveau. Qui a fait ça ? Dieu. Verset 5. Vous qui êtes quoi ? Gardé ou protégé. Avec un bouclier, protégé par la puissance de Dieu. Qui fait quoi ? Moi, je profite de la protection. C'est Dieu qui protège. On vient de voir, verset 20, vous avez été quoi ? Verset 20, vous avez été par le sang de Christ. Vous avez été racheté par le sang de Christ. Verset 23, il revient. Vous avez été, par la parole de Dieu, vous avez été régénéré par la parole de Dieu. C'est toute une série d'actions choisies, régénérées, protégées, prédestinées, rachetées. Qu'est-ce que nous avons fait dont nous pourrions être fiers ? Nous vivons tous au crochet de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et là, Pierre s'exclame, on l'a lu, au verset 21, à la fin du verset 21, Pierre s'exclame avec enthousiasme. Il dit, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ah oui, pas sur moi, pas sur moi. Est-ce que tu es conscient de cette vérité fondamentale ? Ta foi et ton espérance, tout ce que tu es, vient de Dieu. Dieu, c'est un beau verset, verset 3, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour, nous a régénérés, nés de nouveau, il nous a fait naître de nouveau. Il a été bon pour nous. Est-ce que vous avez pris la mesure de sa bonté ? C'était le premier contraste que je voulais souligner. Deuxième contraste, c'est un contraste entre ceux qui dur et ce qui passe. Et ça, dans tout l'épître de Pierre, c'est présent. Ce qui dure et ce qui passe. Regardez, dès le premier verset, donc Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont choisis et qui vivent en étranger. C'est le sixième terme utilisé dans sa lettre. Ceux qui vivent en étranger. Différentes traductions disent, et c'est bien traduit, des hôtes de passage, des résidents temporaires. Nous sommes mortels, vous le savez. Nous sommes un souffle, une vapeur, comme dit Jacques, qui paraît pour un peu de temps. Notre séjour sur la terre est court, très court. Ça ne dure pas longtemps, ça passe très vite. C'est ce que Pierre dit, en hôte de passage. Je m'adresse à vous qui êtes là pour quelques instants. Mais il continue, verset 6. Il reconnaît que pendant ce passage, tant de passages sur la terre, nous sommes attristés. Mais il qualifie, il dit, attristés pour un peu de temps. En grec, c'est oligon arti. Oligon, oligo-élément. Oligon, un petit arti, un petit instant. C'est ce qu'il dit, un petit instant. Vous êtes en train de souffrir sur la terre pendant votre vie, 60, 70, 80 ans, et ça représente un petit instant. Verset 17, il reprend la même expression, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps qui vous reste à passer dans ce monde. C'est bien dit. Toujours cette idée, c'est pas très long. Ça dure très très peu de temps. Pendant le temps, littéralement, de votre passage en tant que étranger, en transit. Toujours la même idée chez Pierre de éphémère, de temporaire. Contraste, il est où? Donc ça, c'est ce qui passe. Le contraste avec ce qui dure, c'est quoi? Regardez, c'est fort, hein, c'est magnifique. Verset 4. Dieu nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage, pour une espérance vivante, et pour un héritage qui ne peut, voilà les qualificatifs de Pierre, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Ni se corrompre, c'est immortel. Peut-être même dans le sommaire, je crois que c'est peut-être marqué immortel, non? D'accord. Le terme, c'est l'immortalité, c'est immortel, qui ne peut se corrompre, hein, se pourrir. Ni se flétrir. Flétrir, le terme est intéressant. Ça veut dire perpétuel, qui ne se fane pas. Je vais vous montrer une photo ici, pour les jardiniers et jardinières. C'est quoi ça? Quelqu'un connaît cette fleur? Marc, il est où là? Peut-être. Donne-moi un terme plus technique. Je crois que c'est la crête renard, effectivement, mais c'est l'amarante. C'est l'amarante. Amarante, du grec amarantos. Et amarantos, c'est exactement le terme qu'utilise Pierre ici, quand il dit « ni se flétrir, amarantos ». C'est marrant, hein? L'amarante, pour les Romains, les Grecs, c'était la fleur qu'on appelait la fleur d'immortalité et de gloire militaire. Un symbole, tout un symbole, cette fleur-là. La fleur d'amarante promettait à ceux qui en portaient la protection de leur supérieur, des dieux. Le symbole de l'immortalité. Et Pierre dit, ce que Dieu nous prépare, l'héritage qui est pour vous et pour moi, il est amarantos. Il ne va jamais se flétrir. Immortalité garantie. En contraste avec notre vie de temporaire, de carte de séjour, hein. On est là pour quelques années, de oligon arti, un petit instant, il nous propose l'immortalité. La prochaine fois que vous allez croiser des amarantes, récitez-vous ce verset. Récitez Pierre, 1 Pierre, 1, 3, 4, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, pour une espérance vivante, grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, et ni amarantos, hein, ni se flétrir. Éternel, il va durer. Alors, ce contraste entre ce qui dure et ce qui passe se retrouve très fort dans les derniers trois versets du chapitre 1. Regardez avec moi. Un énorme, énorme contraste. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, à nouveau, régénération. Il en parle dans le verset 3 qu'on vient de lire. Là, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair ou tout homme est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Énorme contraste. Il souligne cette différence qu'il y a entre les hommes que nous sommes et Dieu. Ésaïe 40, c'est de là que vient ce verset que Pierre cite, Ésaïe 40 dit, versets 6 à 8, « Certainement, tout homme est pareil à l'herbe, et toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se flétrit, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » L'un est l'image du parfait éphémère, l'autre l'image du parfait éternel. toute gloire humaine, vos meilleures prouesses, ce que vous avez fait de plus glorieux dans votre vie, ou ce que vous ferez de plus glorieux dans votre vie, ressemble à la fleur de n'importe quel brin d'herbe dans la pâture d'à côté. C'est tout. C'est ce que dit Ésaïe, et c'est ce que dit Pierre. Vos réalisations les plus géniales du vent. Du vent. Mais Dieu, lui, demeure éternellement. Sa parole est permanente. C'est un terme magnifique, hein. Sa parole est permanente. Pierre insiste beaucoup dans sa lettre sur cette notion essentielle de transitoire, d'éphémère. Très important pour nous les chrétiens, de peur de rater complètement notre passage sur la terre. De peur de s'attarder sur des choses qui n'ont pas de valeur éternelle et de s'attacher à quelque chose qui ne va pas durer. Troisième contraste. Là, tout à l'heure, Nathan a fait référence à ce contraste. Les frais, les vrais et les fausses valeurs. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce qui devrait faire l'effort de ma recherche? Qu'est-ce qui devrait prendre mon temps? Qu'est-ce qui devrait, vous allez dire, bouffer mon énergie, mes efforts? En ce début de lettre, il y a ce sentiment de trésor, de valeur, de précieux. Deux choses sont qualifiées de précieux dans ce chapitre 1. De mémoire, vous vous rappelez? Deux choses. Qu'est-ce qui est précieux? Comment? Ah non, ça c'est moi qui m'ai trompé. Ça, quand j'apprenais par cœur, je disais l'or précieux. Non, l'or n'est pas précieux. La foi, par oui. Et le sang. Deux choses. Le sang de Jésus est qualifié de précieux. Et notre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est raffiné, hein, qui pourtant est testé par le feu. Notre foi est précieuse. Verset 1, chapitre 1, verset 7. La foi, et Pierre précise, qui a résisté à l'épreuve, qui a résisté à la tentation, elle est plus précieuse que l'or. Pourquoi? Verset 9. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de cette foi. Est-ce que ta foi est précieuse? Est-ce que tu la nourris? Est-ce que tu la travailles? Ta foi pour Dieu est précieuse. Et puis, comme Benoît nous rappelait, le sang de Jésus est précieux. Nous avons été rachetés, verset 18, à un grand prix, pas par de l'or ou de l'argent, des produits qui sont corruptibles, qui sont mortels, d'après Pierre, mais par le sang précieux de Jésus. Est-ce que le sang de Jésus est précieux pour toi? Et puis, une troisième chose est précieuse dans ce chapitre. On a lu à la fin tout un paragraphe qui parle de la parole de Dieu, l'Évangile, en donnant à cette parole énormément de valeur. Regardez, chapitre 1, verset 10 à 12, on parle du salut, de la grâce que les prophètes avaient commencé à présenter aux hommes. Et le passage se termine en lui disant un mot intéressant. Les anges désirent plonger leur regard dans ce salut. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais le terme, je le comprends. Ils convoitent. C'est très fort comme terme. Ils convoitent, ils désirent ardemment pouvoir le voir, cet évangile, le comprendre, saisir qu'est-ce qui a été prévu. Ça, c'est verset 12. Et puis, verset 23, vous avez été régénérés par cette semence incorruptible qui est la parole de Dieu, vivante et permanente. C'est la source de votre nouvelle naissance. Nous sommes tous, comme on disait, comme des fleurs dans les champs. Nous sommes là aujourd'hui, demain on n'est plus là. Mais la parole de Dieu, elle demeure dans le temps. Elle a de la valeur, elle est précieuse. Si j'ai compris ça, alors logiquement, qu'est-ce qui se passe? Je la désire. Regardez comment ça se termine, ce chapitre 1 et début du chapitre 2. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, dissimulation, envie, médisance. Désirez ! Désirez ! Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Désirez, ce terme est très fort ici aussi, un peu différent du premier. Il veut dire aimer, chérir, soupirer après, avoir le vif désir de, poursuivre avec amour, convoiter. Ça, c'est ce terme ici. Désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu as soif ? Est-ce que tu as un vif désir de te nourrir de cette parole de Dieu ? Cette parole vivante et permanente. Précieux. Puis un dernier, rapidement, pour la route. Contraste avant, après. Et c'est présent dans tout le chapitre. Vous l'avez sûrement vu aussi. Pierre parle avec plaisir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Il dit, choisi, régénéré, protégé, prédestiné, racheté. D'accord. Oui, mais racheté pourquoi ? Afin d'échapper à l'enfer ? D'avoir un ticket pour le ciel ? C'est pas du tout ce que dit Pierre. Pour Pierre, il y a toujours un énorme contraste entre avant et après. Regardez, avant, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez avant, autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. C'est votre vie avant d'être né de nouveau. Laissez tomber, dit Pierre, vos passions d'antan. Après, c'est quoi ? Verset suivant. Puisque celui qui vous a appelé est saint, verset 15, vous aussi soyez saints. Ça, c'est après. Regardez verset 18. Verset 18. Vous avez été rachetés par le sang de Christ. Vous avez été rachetés. Mais il précise, rachetés de quoi ? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ces gènes du péché qui s'accrochent à nous, on a hérité quelque chose, et c'est vrai. Cette vaine manière de vivre, l'héritage du péché. Une vie vaine, vide, ça veut dire idolâtre, futile. La vaine manière de vivre, hérité de vos pères. La rédemption, le rachat, grâce au sang précieux de Jésus. Ce n'est pas un rachat juste de l'enfer. C'est un rachat de votre vie ancienne. Il vous rachète, il vous tire de votre vie ancienne pour vivre différemment. Entrer dans la vie nouvelle, un mode de faire et d'agir totalement, radicalement différent. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton salut ? Ou tu es juste content de te faufiler par la petite porte avec ta chemise sur le dos ? Avant, après. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Avant, vous viviez une vie vaine, héritée de vos pères, futile, servait à rien. Et maintenant, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la parole, vous avez un amour fraternel sincère, vous vous aimez les uns les autres. Ça, c'est la marche de la foi. Chapitre 2, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ou puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors, chapitre 2, verset 1, rejetez toute méchanceté, toute ruse, dissimulation, l'envie, la médisance, rejetez toujours ce contraste entre si vous avez été racheté, si vous avez été régénéré, si vous avez été élu, alors, grand changement. Est-ce que tu connais ça ? Est-ce que Jésus est devenu précieux à tes yeux ? Est-ce que le sang de Jésus est précieux pour toi ? Est-ce que sa parole est devenue objet de convoitise pour toi ? Tu as besoin, tu désires. Qu'est-ce qui est la source de ta joie ? Pour ces gens du premier siècle après Jésus-Christ. La source de leur joie, dit Pierre, c'est le salut et l'héritage que vous allez recevoir. Je vous encourage à continuer votre lecture dans 1 Pierre et découvrir ce que Dieu peut vous enseigner en une simple lecture sérieuse d'un texte, pas difficile à comprendre, mais rempli de richesses sur comment marcher fidèlement. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Sans elle, je ne sais pas ce qu'on ferait, mais on n'aurait pas d'idée comment marcher, comment te suivre, comment t'obéir. Je te prie que tu nous réveilles pour nous rendre compte combien elle est précieuse, cette parole vivante et permanente de Dieu. Seigneur, aide-nous à redécouvrir l'Évangile, redécouvrir ces paroles précieuses, et que vraiment nous soyons impatients de la lire, non seulement de la lire, mais de la méditer, de l'étudier, de la remuer dans notre tête constamment. Seigneur, change nos vies par cela. Garde-nous de penser que je peux juste avoir un ticket pour le ciel et m'en satisfaire. Tu veux une vie transformée. Tu veux une vie régénérée, née de nouveau. Seigneur, fais cette transformation dans ma vie. Permets-moi de devenir saint comme tu es saint. Merci. Merci aussi pour cette journée spéciale de Pâques où on peut célébrer la clé que tu nous as offerte, ta résurrection. Grâce à ta résurrection, je peux croire en Dieu.